Le bruit de la dynamo. Ce petit frôlement qui freine et frotte en ronronnant contre la roue. Il y avait si longtemps que l'on n'avait plus fait de bicyclette entre chien et loup. Une voiture est passée en klaxonnant, alors on a retrouvé ce vieux geste, se pencher en arrière, la main gauche ballante, et appuyer sur le bouton poussoir, à distance des rayons, bien sûr. Bonheur de déclencher cet assentiment docile de la petite bouteille de lait qui s'incline contre la roue. Le mince faisceau jaune du phare fait aussitôt la nuit toute bleue. Mais c'est la musique qui compte. Le petit frrrr rassurant semble n'avoir jamais cessé. On devient sa propre centrale électrique à pédaler ronde. Ce n'est pas le frottement d'un garde-boue qui se déplace, non. L'adhésion caoutchoutée du pneu au bouchon rainuré de la dynamo donne moins la sensation d'une entrave que celle d'un engourdissement bénéfique. La campagne alentour s'endort sous la vibration régulière. Remontent alors des matinées d'enfance, la route de l'école avec le souvenir des doigts glacés, des soirs d'été où on allait chercher le lait à la ferme voisine, en contrepoint le brinque-ballement de la boîte de métal dont la petite chaîne danse, des aubes en partance de pêche, avec derrière soi une maison qui dort et les cannes de bambou légères entrechoquées. La dynamo ouvre toujours le chemin d'une liberté à déguster dans le presque gris, le pas tout à fait mauve. C'est fait pour pédaler tout doux, tout sage, attentif au déroulement du mécanisme pneumatique. Sur fond de dynamo, on se déplace rond, à la cadence d'un moteur de vent qui mouline, avec l'air de rien, des routes de mémoire.